وقدرته وحكمته toute perfection, d'accord, parfaite. Et deuxième chose, que toutes ces créatures, ils ont besoin de lui. Donc, pas émoni, bien sûr. Wakulu Mahlokate, Moustakari, la vie, ces créatures ont besoin de lui. Ils dépendent de lui. Ouais, parce qu'on peut. Donc, toutes ces créatures dépendent de lui, Spanawata, parfait dans sa connaissance, dans sa puissance, dans sa sagesse, dans tous ses attributs. Et Asana, c'est-à-dire, c'est lui aussi que les créatures ont grand besoin de lui, qui dépendent de lui. D'accord ? Parfait. Tout est justement. Il dépend d'Allah, Spanawata. Toute créature, elle dépend. Personne ne peut subvenir à ses besoins lui-même, personne. Sinon, il doit sortir de ce corps, de cet univers. Tout appartient à tout. Si tu tes vêtements, tes cellules, ton corps, tes yeux, tout ça appartient à Allah. Tout dépend à Allah. L'oxygène qu'il te donne. Tu ne peux pas créer ton propre oxygène, tu ne peux pas créer tes propres cellules nerveuses, tes propres cellules, les bâtonnets, tout ce que tu vois, les choses. D'accord ? Tout dépend de lui. C'est lui qui a créé ça, c'est lui qui a fait que tu peux agir, que tu peux bouger grâce à lui. Donc tous tes mouvements, tous tes actes, tout ton corps, il dépend d'Allah. Mais lui, unique, il dépend de rien. Il n'a pas besoin de quiconque. Par exemple, regardez, je vous donne un exemple. Allah, il a dit, Allah, Ar-Rahman wa Al-Arsh, istawa. Allah, istawa sur le trône. C'est quelle idée? Est-ce que istawa signifie qu'il a besoin du trône? Parce qu'il y en a qui disent, bon, il s'est élevé sur le trône, ça veut dire qu'il a besoin du trône. Il se fatigue, il se penche à côté du trône comme ça. Non, il s'en va, ça veut dire qu'il s'est élevé. Il n'a pas besoin de trône. Si quelqu'un vous dit, Allah, il s'en va sur le trône, est-ce que il s'en va signifie qu'il a besoin du trône? Du fait que si le trône est tombé, il va tomber? Non, Réponse, non. Allah, il est s'en va. Il n'a pas besoin du trône. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit, il n'a pas besoin de ci, il n'a pas besoin de la terre, il n'a pas besoin de tout ça. Et nul ne peut le toucher, nul ne peut. Même si tu mets lui demande, comme c'est évoqué dans Hadith, comme si c'était les djinns et les humains lui demandent quoi que ce soit, tu l'as donné à chacun, tu l'as demandé, ça ne va rien diminuer de son royaume. Rien. Ni ça n'a pas une idée. Donc, Samad finalement, c'est un nom qui regroupe toutes les attributs de perfection. Donc, vous retenez bien ça, à Samad, il n'a pas besoin. Et les autres ont besoin. D'accord ? Ça, ils m'ont bien assez. Elle m'a dit, il n'y a pas qu'à révéler, il me donne un marque. Le parfait, et il n'a pas besoin de ça. Il n'a jamais engendré. L'amielé. Contrairement à qui ? وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون يليك الى فاد زوان افون الى فاد زوان الى فاد زوان pourquoi il n'a pas engendré? Il est seul, il n'a pas besoin d'un enfant. Nous, on a besoin d'un vent qui peut nous éviter, ils peuvent nous aider quand on a besoin, quand on va vieillir. Ils peuvent, des choses qu'on n'a pas réalisées dans la vie, on veut qu'eux, ils réalisent. D'accord ? Allah, il est au-dessus de ces choses-là. Allah, il est au-dessus qu'il a besoin d'un enfant. Parce que le fait d'avoir un enfant, c'est une imperfection relative à Allah. D'accord ? Bien sûr, le plus enfant, il ressemble au père. D'accord ? Il ressemble au père. Il y a une ressemblance. Mais Allah, lui, il ressemble à lui. Là, il s'est habitué, chez. Parce que le fait d'avoir un enfant, le fils, il ressemble à la général au père. Mais Allah, lui, il ressemble à lui. Et il n'a pas besoin d'héritier. Et il n'a pas besoin de quelqu'un à qui il va transmettre son héritage. Ça, c'est relatif à l'être humain. Donc, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. Ils ont dit, Allah, il a pris un enfant, il s'est donné un enfant, بالوارد. Subhanahu. Qu'est-ce que ça veut dire, subhanahu? En arabe, ça veut dire, te le dire. C'est une personne qui refuse finalement avec force tout ce qui peut entacher Allah subhanahu wa ta'ala. Te le dire. Subhanallah. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. Il est au-dessus qu'on lui attribue ça. Il est au-dessus qu'on lui attribue un enfant. D'accord. Il est au-dessus qu'on lui attribue la fatigue. D'accord. Il est au-dessus qu'on lui attribue le sommeil. Non. Il faut s'attacher à un être humain. Donc ça c'est très important. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Allah ne sait point attribuer d'enfant et il n'existe point de divinité. Allez-y. Donc ça c'est la mielité. Il n'a pas engendré. Et il n'est pas engendré. Parce que s'il est engendré, ça veut dire qu'il a été précédé par quelque chose. Il a été précédé par quelqu'un. Mais Allah, le premier, il est le dernier, nul ne peut se débrancher, nul ne peut être attaché à ce thème. Donc ça, finalement, en petit duel, là, comme on a parlé, Allah il a procédé par une affirmation et une négation. Alors, voilà, ahad, affirmation, qu'il est uni, qu'on l'adore, hein, qu'il est l'adoré. Allah il s'en met, il est parfait dans ses attributs. Ah, voilà, ça, affirmation. La réalité, c'est quoi? C'est une négation. Où est la mienne? C'est quoi? Où est la mienne? Là, mon copain, nul n'est égal à lui. Nul ne peut le ressembler. D'accord? C'est une négation. Où la mienne? Là, mon copain. Donc, affirmation et négation. Donc, ça, si vous voulez qu'on détaille là-dessus aussi, concernant la négation et la confirmation, par exemple, quand il y a un autre concernant la vie, voilà, il a dit, en effet, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui existe entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre latitude. Il dit que la terre pendant quelques jours, et puis le sabbat, il s'y est reposé. Il est fatigué, il y avait, je sais pas moi, l'accumulation de la fibre lactique, et puis il commence à avoir une douleur, tout ça, hein, les enfants savaient ce qui se touche à ta place. On a le salam, il est heureux. On a le salam, il est heureux. Il a créé le monsieur et la terre en 6 jours, c'est pas qu'il dépendait du temps, c'est pas que le premier jour il a créé les montagnes, et puis il faut qu'il attende. Oh là là, il faut qu'il se repose, et puis il fait le week-end, et puis le lendemain, il faut qu'il continue à créer la mer, oh là là, c'est grand, la mer, le deuxième jour, et puis le troisième jour, la lumière, et puis voilà, c'est fatigant. Non, Allah, il ne dépend pas du temps. Allah, il nous a formé ce 6 jours. Il a créé ce 6 jours. Comme il a créé Adam, des milliers d'années. Ah bon? Ça veut dire qu'il s'est fatigué, qu'il lui faut du temps pour se créer, pour après Adam. Il a fallu du temps. Il a créé Adam qui a fait 1000 ans de travail, il a créé que le frère Kamel, le frère Mahmoud et tout. D'accord, il ne dépend pas du temps. Il a fait la honte, il n'a pas fait la honte. Il a décidé quelque chose, il dit, soit elle est. Mais pour des raisons. Pour des raisons précises, pour des raisons qu'Allah a donné. Si nous connaissons la raison, on dit, alhamdulillah, si on ne connaît pas, on dit quoi? On dit, ça vient là. C'est tout. Allah nous a comblé ces 6 jours pour des raisons bien précises. Ça vient là. Il ne dépend pas des 6 jours. Et donc, le rôde, Allah s'en parle pas de le rôde, ça veut dire la fatigue et l'épuisement. Et donc, ça veut dire quoi? Quand il s'agit d'une négation, elle implique toujours une perfection. D'accord? Quand il s'agit d'une négation de certaines choses, ça implique forcément une perfection. Il nie la négation pour confirmer quoi? Pour confirmer qu'il est parfait dans quoi? Dans la puissance, dans la force. Hein? Il a dit qu'on n'a pas été touché, on n'a pas éprouvé la moindre latitude, mais c'est pas une négation absolue. Il veut confirmer derrière ça qu'il est le puissant. Qu'il est le plus grand, qu'il est le plus connaisseur.

et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Allah est juste. D'accord. Donc on ne dit jamais qu'Allah, il est moqueur, mais on dit seulement pour contrer leur moquerie. Il y a notre verset par exemple, Al-Khida'a, il n'a pas de quel est le khadi'un Allah, d'accord. Al-Khida'a, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie. Mais si j'ose par exemple traduire mot à mot, je veux dire les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah les trompe. Allah est khadi'un. Allah est khadi'un. Mais Allah, il n'est pas trompeur. Non, subhanallah. Hein, le roi, il n'est pas trompeur. Mais quand il essaie de le tromper, Allah il est trompe. Enfin, Allah il est juste. Hein? C'est-à-dire celui qui veut que par exemple, il te parle, toi tu défends, tu réponds. D'accord. Et il veut tromper Allah. Allah il est trompe. C'est une tromperie qui est en réponse à ce qu'ils ont, voulu faire. D'accord. Donc ces attributs-là sont des attributs spéciaux dans une circonstance bien précise. Le khida', al-makr, al-kayd, al-istihza, ça c'est des attributs bien précis. C'est-à-dire dans une circonstance bien précise. Mais par exemple, regardez, la plante la trahison, c'est une imperfection. Absolue, c'est une imperfection. Maintenant, regardez là, comment il va répondre ce système de la trahison. Oui, je n'ai pas rien à la tête, ça va être un moment à mon tableau de la canaline. Ah, encore, il a répondu, mais il n'a pas répondu par la trahison. Regarde. Et s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah, mais Allah, il a donné prise sur eux. Allah, il a pas dit, il les a trahis. Allah, il a dit, il a donné prise sur eux. Ils ont voulu trahir Allah, et Allah n'a pas dit, Allah les a trahis. Non. Allah, il a dit, il a donné prise sur eux. Et Allah, donc, il tient étage. Et s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah, mais il a donné prise sur eux. Allah, il n'a pas dit, je vais les trahir, parce que la trahison, c'est une qualité, c'est une imperfection. C'est pas. D'accord? C'est une imperfection. Donc, Allah, il ne sait pas très bien la trahison. Il a dit, il va avoir la prise sur elle. Il a dit, il nous y a la tête à sa femme, فأخذ الله من قبل فأمكن منهم فأمكن منهم إذا كنت لا يستيسر فلا لا يستيسر لا يستيسر لا يستيسر لا يستيسر لا يستيسر لا يستيسر لا Donc il n'a pas dit qu'il les a trahis parce que la trahison, c'est une imperfection. Donc ça concernant les attributs particuliers. Donc il y a les attributs absolus de toute perfection. Et puis les attributs qui sont dans des cas bien précis, c'est ce qu'on associe là. Et puis il y a les attributs d'imperfection et ça, il ne touche jamais à notre âme. Donc nous, on a signé le jamais à. On est dans la voie, la bonne voie, dans la voie droite, de Nabiyyin, le Siddiqin, le Shuhada, le Salihin. Nous, c'est la voie du groupe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui nous sauve, le groupe sauvé. D'accord? On est dans le juste milieu. On est dans le juste milieu. D'accord? On ne donne pas à un être humain les qualités d'Allah, on ne donne pas à un être humain les qualités d'Allah. Vous voyez, on ne donne pas un être humain les qualités d'Allah. C'est qui a donné à un être humain les qualités d'Allah? Les chrétiens. Et on n'en sache pas, Allah subhanahu wa ta'ala. On lui attribue pas l'imperfection. D'accord? La qalat il yahoud, il yadallah il marzoula. D'accord? Les juifs, ils ont dit quoi? Ils ont dit à Allah, c'est là, sans lier, marzoula. Quand ils mécréent ceux qui disent qu'Allah il est pauvre et nous nous sommes riches. Ça c'est les juifs, donc nous c'est les juste milieu. D'accord? Et on nie pas les attributs d'Allah. On nie pas ses noms. Contrairement à ce qu'ont dit les Ash'ari, les Khidach et tout ce qui s'en suit. Et on ne peut pas ressembler à Allah et ses créatures. Allah l'a dit qu'il se met en colère. Il l'a dit dans le Coran. Allah se met en colère.